Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet, tous les week-ends quoi. Chers amis auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va ouvrir l'émission avec une nouveauté du catalogue Channel Classics. Une nouveauté qui nous propose deux concertos pour piano essentiels du 19e siècle. Le deuxième concerto de Camille Saint-Saëns et le concerto d'Edvard Grieg, joué par la pianiste Susanna Bartal et l'orchestre d'État de la Sarre est dirigé par Sébastien Roulant. Alors ce deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns qui nous intéresse ce matin, eh bien c'est un concerto un peu particulier parce qu'il s'ouvre un petit peu comme du Jean-Sébastien Bach, une toccata. Et c'est l'œuvre d'un compositeur de 33 ans, encore un compositeur dans la jeunesse, mais qui compose déjà depuis pas mal d'années, depuis plus de 20 ans, parce que Saint-Saëns a été un compositeur, précoce, un enfant prodige. Il a donné ses premiers concerts avec orchestre à 10-11 ans. Et ce concerto est une œuvre essentielle, comme je le disais. Les pianistes adorent le jouer parce qu'il est extrêmement difficile, bien sûr, mais extrêmement lyrique également. Allez, on va en écouter le début avec cette nouveauté parue au catalogue Channel Classics, le deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns. Susanna Bartal, remarquable pianiste, et l'orchestre d'État de la Sarre, dirigé par Sébastien Roulant. Thank you. Un extrait du premier mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns, avec au piano Susanna Bartal, et puis l'orchestre d'État de la Sarre était dirigé par Sébastien Roulant. C'est un disque Channel Classique, et ben on y reviendra tout à l'heure parce que je vais vous proposer un autre extrait de ce concerto. Et puisque ce concerto s'ouvre avec un hommage à peine déguisé à Jean-Sébastien Bach, et ben le voici, Jean-Sébastien Bach, avec l'une de ses sonates pour flûte et clavecin où figure une sicilienne. Alors évidemment, c'est une danse inspirée de justement des danses originaires de cette île, et des siciliennes, on en trouve évidemment à l'époque baroque, mais même encore début du XXe siècle, plutôt fin du XIXe, avec Gabriel Fauré qui écrit une sicilienne, qui inclut une sicilienne dans sa musique de scène pour Péléas et Mélisande. Donc on va écouter un peu de cette œuvre, de cette sonate de Jean-Sébastien Bach, avec à la flûte Emmanuel Pahude et au clavecin Trevor Pinnock, la sicilienne. On la connaît aussi, cette sicilienne, dans sa version pour piano, une transcription. Donc, sicilienne de la sonate pour flûte et clavecin BWV 1031 de Jean-Sébastien Bach, avec Emmanuel Pahude à la flûte et puis au clavecin Trevor Pinnock. Un peu d'opéra maintenant, Carmen. Bah oui, Carmen, on y revient toujours. Je le passe souvent, cet opéra, mais j'adore. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs. Alors, Carmen, évidemment, il y a beaucoup de grands airs. Et dans l'acte 2, il y a un air que j'aime particulièrement. C'est celui de Don José, la fleur que tu m'avais jetée. Ah oui, parce que notre Don José, il est déjà tombé éperdument amoureux de Carmen, qui est une jeune fille, en fait. Elle n'est pas très... C'est quelqu'un qui a à peine 20 ans dans le roman de Mérimée. Hein. Et donc, bah, il est déjà sous l'emprise de cette jeune femme. Il l'aime, mais il l'a assez rebelle, il l'a assez vénéneuse, hein, quelque part. Donc, il s'en méfie quand même. Et voilà, il y a un débat, un problème entre lui et lui sur cette attirance très profonde pour Carmen, qui d'ailleurs lui a aussi envoyé quelques signaux, notamment avec une fleur. Voici cet air très célèbre, chanté par le ténor Vittorio Grigolo. L'orchestre de la RAI, la radio italienne, est dirigé par Evelino Pido. Dans ma prison, mais... Admirable, hein, l'air de Don José au deuxième acte de Carmen, la fleur que tu m'avais jetée, avec la belle voix de Vittorio Grigolo. L'orchestre de la RAI était dirigé par Evelino Pido. Et un peu de la musique des Strauss maintenant, avec peut-être celui qui est le moins connu de la dynastie, c'est Édouard, né en 1835, tiens, la même année que Saint-Saëns, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mort en 1916. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette dynastie Strauss, parce que toute la famille, finalement, était en rivalité, et bah, le père détestait les fils qui faisaient de la musique, et les frères entre eux, bah, finalement, c'était aussi assez compliqué, hein. Et en plus, il y avait d'autres compositeurs, comme Zierer, qui s'étaient aussi mis à faire de la valse, de la polka, de la marche. Bref, une époque où la concurrence est rude, hein. Et Édouard Strauss, quelque part, il est moins considéré que son frère, que ses frères, parce qu'il a laissé peut-être moins d'œuvres qui ont marqué, mais il a composé aussi des valses. Il a peut-être essayé de se distinguer un peu des autres par un style plus personnel. Mais en fait, quand on écoute sa musique, on sait immédiatement l'identifier. Édouard Strauss, qui a commis l'irréparable en 1907, parce que certainement, justement, plein de rancœur vis-à-vis de ses frères, il était le dernier survivant, il a tout brûlé. En 3 jours, il a brûlé tous les documents liés à sa famille, et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Dommage, parce qu'il devait y avoir vraiment des choses, des documents passionnants qui auraient pu intéresser les musicologues, mais il ne reste plus rien. En 3 jours, il a brûlé toute l'histoire d'une famille quasiment. Allez, on va écouter un peu de sa musique quand même. Meet Extra Post, donc avec Diligence. Bah oui, ça évoque la poste, hein, évidemment. C'est interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne que dirige Maris Jonsson. Évidemment enregistré lors d'un concert du Nouvel An, cette polka d'Edouard Strauss, concert du Nouvel An 2016, c'était Meet Extra Post, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, bien évidemment, dirigé par Maris Jonsson. Et vous écoutez Radio Fadjet, c'est votre magazine classique du samedi et du dimanche. De 11h à midi, discothèque classique. Et si on embrayait avec un peu de Chopin maintenant? Chopin et sa sonate pour violoncelle et piano. Il n'a pas beaucoup laissé d'œuvres de musique de chambre, en fait, Chopin. Il a composé un trio, et puis cette sonate, ça, ce sont vraiment les œuvres les plus essentielles. Et cette sonate, il l'a composée pour un ami, Auguste Franchomme, qu'il avait rencontré à Paris, évidemment, et grand violoncelliste. Et ce que Chopin aimait dans le violoncelle, évidemment, c'est que c'était un instrument qui avait une sonorité très proche de la voix humaine, et on sait que si Chopin n'a jamais composé d'opéra, il avait une vraie passion pour le bel canto, en particulier pour Vincenzo Bellini. Alors on va écouter un mouvement de cette sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, joué par Bertrand Chamaillou au piano et l'excellente Sol Gabetta au violoncelle. Thank you. le magnifique scherzo de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, joué par Sol Gabetta au violoncelle, Bertrand Chamaillou au piano. Un peu de Vivaldi maintenant, bah oui, parce que dans cette émission, on essaie de passer un peu toutes les époques, et puis tous les genres, évidemment l'opéra, la musique symphonique, la musique de chambre, la musique pour piano, et voici un peu de baroque avec Vivaldi, et l'un de ses concertos pour mandoline, mais transcrit à la guitare, ce qui n'aurait pas gêné Vivaldi, parce qu'il savait qu'à l'époque, il se faisait qu'à l'époque, tous les compositeurs transposaient facilement les concertos d'un instrument à un autre. Alors à Venise, évidemment, il y avait quatre ospedaliers de la Pietà, donc ces institutions qui avaient été fondées pour recueillir les enfants abandonnés. On peut s'étonner d'un tel nombre d'ailleurs, hein, mais en fait c'est parce qu'il y avait beaucoup de maisons closes à Venise, beaucoup de prostitution, et évidemment les enfants naissaient dans ce contexte et plus personne pour s'occuper d'eux ou rarement. Donc ils étaient confiés à ces institutions où l'on apprenait la musique, entre autres, mais surtout la musique. Et les jeunes filles étaient des chanteuses vraiment extraordinaires. Et elles apprenaient un instrument et souvent même d'ailleurs plusieurs. Tous les voyageurs qui se sont rendus à Venise et qui ont évoqué dans leurs écrits les concerts donnés à l'Ospedale de la Pietà où Vivaldi exerçait, ont été absolument fascinés par la qualité du jeu, du chant des interprètes, qui chantaient d'ailleurs derrière une grille. Allez, on va écouter un peu de cette musique de Vivaldi que moi je trouve toujours formidable, et puis ça met toujours de bonne humeur. Allez, un mouvement lent cette fois, un andante du concerto en sol Rium 532 avec Angel Romero à la guitare et l'Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Andante du concerto pour deux mandolines transcrit pour deux guitares d'Antonio Vivaldi avec Angèle Romero, première guitare, et puis à la deuxième guitare son frère Lito, et puis ils étaient entourés de l'Academy of St. Martin in the Fields. Allez, on continue avec une nouveauté qui me paraît essentielle, nouveauté du catalogue Alpha Classics, et qui nous propose la Missa Selensis de Haydn, In Honorem Beatissimae Virginis Mariae. Donc on va dire simplement Missa Selensis. D'ailleurs, il y a plusieurs appellations pour cette messe qui vient d'être enregistrée par René Jacobs, formidable René Jacobs, qui connaît vraiment très bien ce répertoire et qui vraiment approfondit les partitions avant de les enregistrer. Il apporte toujours un éclairage nouveau sur les œuvres qu'il décide de graver. Et là, il est à la tête du Zürcher Sing Academy et de l'orchestre de chambre de Bâle. René Jacobs qui s'est promis d'enregistrer toutes les messes de Haydn jusqu'en 2032 peut-être, puisque ce sera le tricentenaire de la naissance de ce compositeur. Et donc évidemment, ça c'est vraiment un événement, parce que les disques de René Jacobs sont absolument incroyables, des versions de référence à chaque fois. Et puis en plus, là je trouve qu'il y a pour cet enregistrement une qualité sonore extraordinaire, un relief sonore optimal. Les ingénieurs du son ont vraiment très très bien travaillé pour l'enregistrement de ce CD. J'espère que vous vous en rendrez compte, parce qu'avec la radio c'est peut-être un peu moins net, mais bon, en tout cas c'est vraiment, je vous le dis, un super disque qu'il faut connaître. On en écoutera d'ailleurs un extrait encore dans l'émission de demain, puisque vous le savez, notre émission c'est le samedi et le dimanche de 11h à midi. Voici le Benedictus, extrait de cette messe Missa Selensis de Haydn, dirigée par René Jacobs. Un extrait de la Missa Selensis de Joseph Haydn avec cette nouvelle version parue chez Alpha Classics, le Zurich Sing Academy, chœur, et puis l'orchestre de chambre de bal dirigé par René Jacob, c'est absolument essentiel. Et je vais présenter demain, dans l'émission de demain de 11h à midi, toujours sur Radio Fadjet, un autre extrait de ce disque. Hein. On va revenir au disque avec lequel j'ai ouvert l'émission. C'était le deuxième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns et je vous avais dit qu'on aurait écouté un extrait. Eh bien, après ce premier mouvement que l'on a écouté tout à l'heure, qui est un peu du Bach, eh bien, voici le final qui est un peu du Offenbach. C'est ce qu'avait dit un critique lors de la création de l'œuvre en 1868. Il avait dit, voilà, un concerto qui s'ouvre comme du Bach et qui se termine comme du Offenbach. Parce que c'est une cavalcade que ce final du deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns, œuvre admirable, hein, et qui n'est pas le plus, comment dire, qui est peut-être le plus joué certainement des concertos de Saint-Saëns, mais les autres sont tout aussi intéressants parce qu'il a composé 4 concertos pour piano, notre Saint-Saëns, 4 autres plutôt, parce qu'il en a 5 au total, comme Beethoven, tiens. Et tous les 5 sont vraiment passionnants, et voilà, bah, c'était l'un des grands virtuoses de son temps. D'ailleurs, l'un des premiers compositeurs français à écrire aussi de la musique de chambre, qui était un petit peu l'apanage des compositeurs germaniques. Voici le final de ce deuxième concerto de Saint-Saëns avec la nouvelle version enregistrée par Susanna Bartal au piano. L'orchestre d'État de Sarre est dirigé par Sébastien Roulant, Disque Channel Classics. Thank you. Formidable cavalcade, hein, je le disais, que ce deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns, le final avec cette nouvelle version, avec Susanna Bartal au piano, remarquable, et puis l'orchestre d'état de la Sarre dirigé par Sébastien Roulant. Et tout à l'heure, je vous ai proposé un peu de Chopin avec sa sonate pour violoncelle et piano, qui avait été inspiré par le violoncelliste Auguste Franchaume. Eh bien, voici un peu de la musique de ce compositeur qui n'a survécu surtout que grâce à sa collaboration avec Chopin, mais il avait aussi rencontré Mendelssohn. C'est un compositeur qui n'a écrit que pour le violoncelle, et je vous propose d'écouter l'une de ses pages, justement, peut-être une réminiscence de l'œuvre de Chopin qu'il admirait tant. Un nocturne pour violoncelle et piano de Franchaume, joué par Sol Gabetta au violoncelle et Bertrand Chamaillou au piano. Ben voilà une musique qui mériterait d'être un peu plus connue, non? Moi, je trouve ça magnifique. C'était le Nocturne, opus 14, numéro 1 d'Auguste Franchaume, joué par Sol Gabetta au violoncelle et Bertrand Chamaillou au piano. Et on va terminer l'émission avec un peu de Richard Strauss, son poème symphonique Don Juan de 1888-89. Richard Strauss était aussi un enfant prodige, comme Saint-Saëns. Il avait écrit un opéra, Guntram, qui était un peu post-wagnérien, qui avait été descendu par la critique. On n'avait pas du tout aimé cet opéra. Il en avait été profondément blessé. Il s'est dit, bon, je vais peut-être m'orienter vers autre chose. Et il s'est mis à composer des poèmes symphoniques qui, là, ont vraiment assuré sa réputation. Richard Strauss était probablement l'un des compositeurs les plus doués de sa, vraiment l'un des grands génies de son époque, parce que le plus doué de sa génération sûrement. Il écrivait extrêmement vite, avec la même facilité que Mozart, il ne raturait jamais. Et ses poèmes symphoniques sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Il suffit de citer Don Juan, comme je le disais, mais aussi Till l'Espiègle, Mort et Transfiguration, et puis bien sûr, par exemple, Ainsi parlait Zarathoustra et ses coups de timbales du début. Voici un peu donc de Don Juan de Richard Strauss avec l'orchestre symphonique de la NHK, la radio japonaise, dirigé par Paavo Järvi. Thank you. Voilà, c'était quelques mesures de Don Juan de Richard Strauss avec l'orchestre de la radio japonaise, direction Paavo Järvi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve demain dimanche à 11h, pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Et je vous attends encore plus nombreux. Bon samedi à toutes et à tous, et à demain !